Wesh. Représente tout entier. Rachel. Sarah. Rachel. 75002. En force. David. Sacha. Salomon. Come on. Weka, Kuka, AKO, U, c'est quoi le roi de rire? Yo, Kuka, AKO, U, tu nous tues. Jaku, Jaku, yeah, yeah, yeah. Weka, Kuka, c'est toi le roi de Kaku. Kaku, tu fais le Kaku, maître d'école. Weka, Akol, sympathique, on a la sympathie. Ouais, ouais, ouais. Kaku, Kaku, c'est trop fou. Eli Kaku, c'est chelou. On s'attache à ton attaché de presse. Yo, ouais, Kaku, Kaku, yeah, yeah, yeah. Ouais, Kaku, c'est toi, loi de Kaku. Kaku, t'es pas un caca. Eli, t'es pas dupliqué. Eli Kaku, marcheur en fumant. Tu exploses les coups d'humour. Vous allez faire entre deux. Wow. Et oh, que ce soit bien. Entre vous et moi, Kaku, Kaku, yeah, yeah, yeah. Kaku, toi, loi des Kaku. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Et pour toi, ça va et me pour Eli. Eli Kaku, K-A, K-O-U, tu nous mets K-A-O. Représente l'humour. Wesh, Madame Sarfati est dans la place. Spécial casse dédié. C'est Moon.